sans avoir pitié de leur peine et de leur fatigue. Se livrer sans mesure à la volupté. Commentaire. On a lu plus haut, page 327, voir la beauté des autres et désirer de les posséder en secret. On perd son cœur et on étouffe tout sentiment de vertu. Cela est, sans aucun doute, dans l'ordre des choses défendues. Mais ici il s'agit des plaisirs légitimes du mari et de la femme, qui doivent être maintenus dans de justes bornes. On lit dans le traité intitulé Nyesingpia, il faut garder la continence aux époques appelées Taan, le 2 de janvier, et Xiaoshu, le 6 de juillet. Pendant les éclipses de lune et de soleil, dans les temps de grands vents, de grands tonnerres et de grandes pluies, le jour de notre naissance, le jour Kangshan, le 57e du cycle, et le jour Qiatse, le 1er du cycle. Aux époques appelées Lia, le 6 de mai, Lites apostrophe You, le 8 d'août, Lichong, le 8 de novembre, et Litch1, le 4 de février. Aux deux époques appelées Tch1 Fen, le 21 de mars, et Tch apostrophe You Fen, le 23 de septembre. Aux deux fêtes appelées Tch1 Che, le 26 de mars, et Tch apostrophe You Che, le 26 de septembre. Au premier jour de la lune, à la pleine lune, au premier, au deuxième quartier de la lune, et au dernier jour de la lune, le 15e et le 28e jour de chaque mois, le 3e, le 14e et le 16e jour du premier mois, le 2e jour du second mois, le 9e jour du 3e mois, le 4e jour et le 8e jour du 4e mois, le 5e, le 15e et le 25e jour du 5e mois, le 6e jour du 6e mois, le 7e jour du 7e mois, qui s'appelle le jour des 9 poisons, le 10e jour du 10e mois, le 25e jour du 11e mois, le 7e et le 20e jour du 12e mois. Voilà les époques où il faut garder la continence. On les appelle tous quatre, parce que ce sont autant de règles, de limites qu'il n'est pas permis de passer. Celui qui les a sans cesse présentes à l'esprit, connaît les bornes qu'il doit mettre à ses plaisirs. Mais ceux qui se livrent sans mesure à la volupté, ignorent l'art de conserver leur vie, et ils s'attirent toujours une mort prématurée. Ils ne savent pas qu'après leur mort ils auront encore à subir les supplices de l'enfer. Avoir la bonté sur le visage et la cruauté dans le cœur. Commentaire. Lorsqu'une personne nourrit des sentiments cruels au fond de son cœur, et qu'elle montre un visage doux et affable, on peut dire qu'elle a une figure humaine et le cœur d'une bête féroce. Elle est plus coupable que celle qui cache un cœur perfide. Après sa mort, elle sera précipitée dans l'enfer, et parcourra éternellement l'une des trois carrières malheureuses qu'on appelle Sanctu. Histoire. Toutes les fois que Th apostrophe Aituyuan se trouvait avec un étranger, il l'accueillait avec un visage doux et caressant, et il donnait les mêmes marques de bonté et d'affection à ceux qu'il haïssait le plus. Les autres hommes ne pouvaient sonder le fond de son cœur, et se trouvaient ainsi exposés à sa méchanceté perfide. On l'avait surnommé Xiaomian Yetishai, c'est-à-dire le démon de la nuit au visage riant. Il finit par mourir d'une mort violente. Li Fu avait toujours le visage le plus doux et le plus affable. Chaque fois qu'il causait avec quelqu'un, il prenait un air riant et enjoué, mais au fond de son cœur il cachait une cruauté inouïe. On le surnomma Xiao Chong Tao, c'est-à-dire celui qui cache un poignard au milieu de son sourire. Il mourut en exil dans le pays de Sui. Faire manger aux autres des aliments infects. Commentaire. L'expression Weishi désigne ici des boissons ou des mets sales et dégoûtants. Les mots Weijin signifient faire manger une chose à quelqu'un. Celui qui force ses semblables à manger des aliments infects, dont il ne voudrait pas lui-même faire usage, les traîne comme les plus vils animaux. Il ne peut manquer de s'attirer la haine des hommes et le courroux des dieux. Histoire. Tiong Cheou gagnait sa vie en revendant du riz. Un jour, le prix du riz monta subitement. Yong Cheou ayant appris cette nouvelle au milieu de son chemin, il ramassa du riz qu'on avait semé dans un champ humide, mais il ignorait qu'on y avait déjà répandu de l'engrais. Tout à coup le ciel se couvrit de nuages, et le tonnerre gronda d'une manière terrible. Yong Cheou reconnut son crime, et s'imaginant qu'il ne pourrait échapper au danger qui le menaçait, il prit l'argent qu'il portait dans sa ceinture, et chargea un de ses compagnons de voyage d'aller le porter à sa mère. Peu d'instants après, les nuages se dissipèrent, et le ciel redevint pur et serein. Yong Cheou, pour avoir pris par mégarde du riz qui avait trempé dans une eau infecte, s'était attiré sur le champ la colère du ciel. S'il n'eût point formé dans son cœur une pensée de piété filiale, il serait mort sous la hache du dieu du tonnerre. On peut juger par là des châtiments rigoureux qui sont réservés à ceux qui font manger aux autres des aliments sales et infects. La femme de Yuan Tsh couchait dans une chambre qui était située au-dessus de la cuisine. Un jour elle renversa par mégarde un certain vase. Le liquide qu'il contenait traversa le plancher et dégoutta en partie dans une marmite remplie de riz cuit. Cette femme n'en ayant rien dit, toutes les personnes de la maison mangèrent de ce riz. Mais quelque temps après, tout son corps se couvrit de lèpre, et elle mourut après avoir souffert de cruelles douleurs pendant plusieurs années. Égarer la multitude par de fausses doctrines. Commentaire. On entend parler Mozotao toute doctrine hétérodoxe, qui s'écarte de la doctrine droite et sage des trois religions et des neuf classes appelées Kyuliu. Les mots et Chong, 3, veulent dire égarer, jeter dans l'erreur la multitude ignorante. C'est ce qu'ont fait Changqiao sous la dynastie des Han, et Liu Futong sur la fin de la dynastie des Yuan. À l'aide de la magie, ils rassemblaient la multitude et commettaient de grands désordres. Mais à la fin, ils furent exterminés avec tous leurs sectateurs. Dans ces derniers temps, on a vu la secte du Wuwei, ou du quiétisme, la secte du ciel vénérable, la secte du nénuphar blanc, la secte du maître du ciel, etc. Les docteurs qui les propagent trompent leurs prosélytes par des paroles mensongères, et leur font à croire que ceux qui parviennent au premier degré de sainteté, seront élevés au rang des dieux, et que ceux du second degré reviendront sur la terre et obtiendront les plus hautes charges de l'État. Ils égarent ainsi le cœur de la multitude, ils trompent au loin les hommes et les femmes, et les rassemblent autour d'eux. Ensuite ils se livrent effrontément au vol et à la débauche, ils corrompent les mœurs, et attirent les plus grands malheurs sur la société. C'est pourquoi les anciens rois punissaient de mort ceux qui propageaient de fausses doctrines. Dans les siècles suivants, les empereurs les ont prohibés sévèrement, ainsi que la sorcellerie et la magie. Histoire. Il y avait autrefois dans la province de Ctchuan, un Taocé du monde Xing Ctchingshan, qui possédait une puissance surnaturelle. Il attirait à sa suite des jeunes gens de famille riche, et les conduisait dans une maison solitaire et retirée. Il brûlait des parfums, et se séparait de la foule par un rideau. Puis, assis à l'écart, il prononçait des paroles magiques, et faisait descendre à sa voix toutes les déesses du ciel et celles du mont Wushan. Elles buvaient, mangeaient, dormaient, et se comportaient comme de simples mortels. Ce Taocé étant allé un jour à la ville, fit paraître tout à coup un pavillon d'or pour égarer l'esprit du peuple. Toute la ville fut remplie d'une admiration qui tenait du délire. Le roi de Shou en fut informé et donna ordre de l'arrêter. Plusieurs mois s'étant écoulés sans qu'on pût le prendre, on arrosa la terre avec du sang de chien. Dès ce moment, il lui fut impossible de recourir à la science magique. Il fut pris et coupé en pièces. Le roi publia alors une proclamation pour instruire la multitude. On y lisait le passage suivant : montrez de la piété filiale à vos parents, du respect à vos frères aînés, du dévouement à votre prince, et de la fidélité à vos amis. Réprimez vos passions, et pratiquez la vertu. Voilà la droite voie qu'il faut suivre. Surtout ne vous laissez pas égarer par de fausses doctrines. Ceux qui égarent la multitude par de fausses doctrines méritent sans doute 10 000 morts, mais ne sont-ils pas bien coupables aussi, ces chefs de maison qui souffrent que leurs femmes, leurs filles, aillent dans des temples pour brûler des parfums, et écouter de prétendus docteurs, dont les discours pernicieux les entraînent à violer la morale, et à se déshonorer aux yeux du public. Se servir d'un pied trop court, d'une aune trop étroite, d'une balance trop légère, d'un boisseau trop petit. Commentaire. Le mot « tout » 4 est employé ici comme nom générique des mesures de longueur. Les empereurs de l'Antiquité ont inventé la balance, le boisseau et les mesures de longueur, afin de régler avec équité la valeur des objets de commerce. Celui qui emploie, en vendant, un poids trop léger et un boisseau trop petit, emploie toujours, en achetant, un poids trop lourd et un boisseau trop grand. Il est vrai qu'il acquiert une fortune rapide en trompant ainsi les hommes, mais il ne manque jamais d'être puni par le ciel. Histoire. Un homme de Saint-Chéou, nommé Chéou Thès'Aimei, voyant que sa belle-fille était douée d'une rare capacité, la mit à la tête de son commerce, et lui donna une balance, un pied, des boisseaux de différentes grandeurs, et toute espèce de poids. Puis il voulut lui enseigner l'art de recevoir beaucoup de marchandises en achetant, et d'en donner peu en vendant. La jeune femme fut indignée de cette fraude, et voulut quitter la maison. En agissant ainsi, dit-elle à son beau-père, vous offensez le ciel et vous violez les lois de l'équité. Si je viens à mettre au monde un fils, il sera sans aucun doute vicieux et dissipateur. On dira que c'est moi qui lui ai donné le jour, et je crains d'être compromise par ses désordres. Eh bien, lui dit Chéou Vu, seconde femme de Chéou Thès'Aimei, si ce moyen de gagner vous déplaît, rien ne vous empêche de faire autrement à commencer d'aujourd'hui. Depuis combien d'années l'emploie-t-on ? Demanda la jeune femme. Depuis environ 20 ans, répondit Chéou Vu. Si vous voulez que je reste, lui dit la jeune femme, il faut faire tout le contraire pendant 20 ans, c'est-à-dire recevoir peu de marchandises en achetant, et en donner beaucoup en vendant, afin de rendre au public tout ce qu'on lui a retranché frauduleusement dans les années précédentes. Chéou Vu consentit à cet arrangement. Dans la suite, elle eut 2 fils qui obtinrent le grade de docteur. Sous le règne de Wanli, 2573 à 1620, il y avait dans l'arrondissement de Yangcheou un marchand nommé Tanan. Son père, approchant de sa dernière heure, lui parla en ces termes. « Vous voyez cette balance, c'est avec elle que j'ai gagné toute ma fortune. Elle est faite en ébène, et l'intérieur, qui est creux, contient une certaine quantité de mercure. Quand je vends, je fais descendre le mercure dans la tête de la balance, et de cette manière ma marchandise se trouve plus lourde. Quand j'achète, je fais tomber le mercure dans la queue de la balance, et alors la marchandise du vendeur devient plus légère. C'est ainsi que j'ai acquis toute ma fortune. Le père étant mort, son fils prit la balance et la brûla. Tout à coup un dragon sortit du milieu de la fumée et s'éleva jusqu'au ciel. Quelque temps après, il perdit ses deux enfants. Il songea alors que, malgré son injustice, son père avait passé heureusement sa vie, tandis que lui, il venait de perdre ses deux enfants, quoiqu'il suivît en achetant et en vendant les règles de la plus stricte équité. Il était tenté de croire que la prudence du ciel était en défaut. Il poussa de profonds soupirs et s'endormit avec le désespoir dans l'âme. Il vit en songe un dieu qui lui dit : « Votre père a trompé les hommes à l'aide d'une balance légère, et s'est enrichi avec une balance pesante. Quoiqu'il ait amassé de grandes richesses, il n'en a cependant obtenu que la quantité fixée par le destin. Mais comme il a eu recours à la fraude, et qu'il a accumulé crime sur crime, le ciel a ordonné à deux génies destructeurs de descendre sur la terre pour être vos fils. Dès qu'ils sont devenus grands, ils ont dissipé follement tout le bien qu'avait gagné votre père. Ainsi le ciel vous a fait perdre votre héritage et vos deux fils pour vous montrer que les rapines ne restent pas impunies. Mais puisque vous avez pu brûler la balance de votre père, et que vous vous efforcez de réparer ses fautes, le ciel a rappelé les deux génies destructeurs, et vous rendra à leur place deux fils vertueux. Redoublez de zèle pour pratiquer le bien, et gardez-vous de laisser échapper des plaintes et des murmures. » Dès qu'il fut éveillé, il s'appliqua davantage à faire de bonnes œuvres. Dans la suite, il eut deux fils, qui obtinrent le grade de docteur. Les histoires qui précèdent nous montrent deux personnes qui ont échappé au malheur et qui ont obtenu le bonheur, parce qu'elles avaient su corriger et réparer des fautes passées. Il y avait dans le district de Qiangshanien un homme appelé Chou Talang qui était riche et inhumain. Il se servait de balances et de mesures trompeuses. Un jour, un vieux Taosé qui passait devant sa porte lui adressa des reproches, et lui dit : « Vous devez suivre, dans votre commerce, la plus stricte équité. Pourquoi tromper de la sorte ? Si quelqu'un vient vous demander vos balances et vos mesures, une grande calamité, Zai, s'absentira sur votre maison. » La nuit suivante, il vit deux jeunes gens vêtus de bleu, qui vinrent lui demander ses mesures et ses balances. Il les leur donna au milieu de son rêve, et ne les trouva plus à son réveil. Tout à coup, il pensa aux paroles du Taosé, et pour soustraire ce qu'il possédait à l'incendie, dont le mot Zai, calamité, semblait le menacer, il rassembla toutes ses marchandises, et alla les cacher sur une montagne. Quand il eut fini de tout mettre en sûreté, la terre s'entr'ouvrit, et laissa échapper une source impétueuse qui entraîna toutes ses richesses avec la chambre qui les renfermait. Quelques instants après, la source se changea en un torrent profond, qui s'appelle encore aujourd'hui Chokéatan, c'est-à-dire le torrent de Chou. Falsifier des marchandises de bonne qualité. Commentaire. Le mot Chin, 4, exprime la qualité de ce qui est pur et sans mélange. Le mauvais Yi, 1, veut dire faux, falsifié ou destiné à falsifier. Le mot Za, 3, signifie mêler, mélanger. Ce passage veut dire mélanger des marchandises pures, de bonne qualité, avec des choses d'une nature différente. Par exemple, mettre de la balle de grain dans un sac de riz, mettre de l'huile dans le vernis ou dans la cire, mettre de la cendre dans le sel, mettre de l'eau dans le vin, etc. Ceux qui trompent ainsi les autres pour s'enrichir, en sont ordinairement punis de la manière la plus rigoureuse. Histoire. Un homme de Tangxi exerçait la profession de marchand de riz. Un jour, comme il allait se laver la figure, Il vit un étendard au-dessus de sa tête, que réfléchissait l'eau de la cuvette. Il fut rempli d'effroi, et se cacha comme pour se soustraire à un danger. Quelques instants après, le tonnerre gronda avec violence, et il fut frappé de la foudre. Sur son dos étaient imprimés les quatre mots suivants, Mi Chong Yong Shui, c'est-à-dire, il a mis de l'eau dans le riz. Ceux qui emploient de la fausse monnaie font encore plus de tort aux hommes. Sous le règne de Wu Song, 2506 à 1522, il y avait un homme appelé Yun Gao, qui fabriquait de fausses onces d'argent. Il les creusait, et y faisait entrer 8/10 de plomb. Un jour, il acheta 4 moutons à une fermière. Son mari ayant reconnu qu'elle avait reçu de la fausse monnaie, il entra dans une violente colère, et l'accabla de coups. Celle-ci se pendit dans un accès de désespoir, et le mari, inconsolable, se donna la mort de la même manière. Le lendemain, le tonnerre gronda avec violence, la foudre frappa Yun Gao, et au même moment les 4 moutons tombèrent morts sur le cadavre de leur maître. C'est ainsi que le ciel punit Yun Gao pour avoir fabriqué de la fausse monnaie. Il y a d'autres hommes dont la conduite est encore plus odieuse. Ce sont les charlatans, qui se disent possesseurs de recettes souveraines et qui vendent de faux remèdes. Ils font prendre aux malades des médicaments sans vertu, et ils finissent par causer leur mort. Ces hommes coupables ne pourront échapper à la hache du dieu du tonnerre. Ces exemples devraient servir de leçon à tous ceux qui falsifient les marchandises pour tromper les hommes. Recueillir des profits frauduleux. Commentaire. Si l'homme ne cherchait pas à gagner de l'argent, il lui serait impossible de subsister. Mais on ne doit le gagner que par des moyens légitimes. Il n'est pas permis de recueillir des profits frauduleux. Par exemple, en vendant du sel de contrebande, en fabriquant de la fausse monnaie, etc. Le proverbe dit, plus vous emploierez la ruse et la fraude, plus vous serez pauvres et malheureux. Le ciel n'a jamais souffert sur la terre les hommes qui emploient la ruse et la fraude. Si les richesses et les honneurs s'obtenaient par ce moyen, les hommes simples et bornés n'auraient plus qu'à se repaître de vent et de fumée. Ceux qui recueillent des profits frauduleux dans le but de s'enrichir ne restent jamais impunis. Histoire. Chang Fong remplissait avec habileté les fonctions de greffier, mais il s'appliquait surtout à dépouiller le peuple. Dès qu'un nouveau magistrat entrait en fonction, il lui enseignait à enlever par ruse toutes les richesses du peuple. Le magistrat en prenait 3/10, et lui laissait le reste. Un inspecteur impérial, nommé Chang Kong, le fit chercher secrètement et l'arrêta, mais Fong trouva le moyen de s'échapper. En ce moment, le ciel était pur et serein. Tout à coup le tonnerre gronda avec violence, et il fut frappé par la foudre. Seul Nankin s'était enrichi par ses intelligences coupables avec les magistrats. Sur la fin de sa vie, sa cupidité devint encore plus effrénée. Il faisait sans scrupule tout ce que les autres hommes n'osaient pas faire, il prenait de même tout ce que les autres n'osaient pas prendre. Mais tout à coup il fut affligé d'une maladie cruelle qui l'empêchait de boire et de manger. Il maigrit promptement et devint sec comme le bois. Il mourut en faisant entendre le cri ignoble de l'âne. En général, on peut appliquer ce passage « recueillir des profits frauduleux » à tous ceux qui emploient de faux poids et de fausses mesures ou qui falsifient les marchandises. Forcer les personnes de bonne famille à exercer de vils emplois. Commentaire. Le mot « ya » veut dire ici forcer, Contraindre quelqu'un. Le mot liang, de distinguer, désigne ici les fils et les filles issus de bonnes familles, de familles de magistrats. Le mot xian, 4, ville, abject, désigne ici les femmes esclaves, les prostituées ou les comédiennes, les soldats de police, etc. Celui qui force des fils et des filles de bonne famille à exercer les plus vils emplois, détruit toutes les bonnes œuvres qu'il peut avoir faites, et commet un crime grave, sur lequel nous n'avons pas besoin d'insister. Quelquefois un revers de fortune oblige une fille issue d'une bonne famille à se vendre et à devenir esclave. Son maître doit avoir pitié d'elle. Il doit éviter surtout de rien lui commander qui puisse la vilir à ses yeux. Quelquefois, lorsque des enfants sont trop nombreux, on en vend quelques-uns à des personnes qui les adoptent. Si dans la suite d'autres personnes les prennent à leur service comme domestiques, c'est ce qu'on appelle forcer des enfants de bonne famille à exercer de vils emplois. Histoire. Chong Liqin, étant gouverneur du district de Techeou, avait fiancé sa fille avec un homme appelé Yu Ling, qui habitait un district voisin. Comme il était sur le point de la marier, il acheta une jeune fille pour la servir et l'accompagner. Quand elle fut venue, elle se mit à pleurer à chaudes larmes. Liqin lui en ayant demandé la cause, elle lui répondit. Lorsque j'étais jeune, mon père remplissait la même charge que vous. Mais hélas, j'ai perdu mes parents, et j'ai été élevé dans la maison du secrétaire de mon père. Maintenant, vous avez acheté une servante pour votre fille, et désormais c'est moi qui serai obligé d'exécuter ses ordres. En revoyant les lieux que j'ai habités autrefois, je ne puis m'empêcher de songer à mon père, et c'est de là que viennent les larmes que vous me voyez répandre. Le gouverneur interrogea aussitôt le secrétaire, qui confirma la vérité de ce récit. Liqin fut ému de compassion. Il ordonna à ses domestiques d'apporter à cette jeune fille de nouveaux habits et tous les ornements de toilette qui convenaient à son rang. Ensuite, il écrivit à Yu Ling pour le prier de différer son mariage. Il ajouta, « J'ai acheté une servante qui est la fille de mon prédécesseur. Je veux la marier la première, avec la dot de ma fille. » Yu Ling lui répondit, « Jadis qui eut payé rougit de paraître seul sage. Pourquoi, Seigneur, voulez-vous montrer seul de la justice et de l'humanité? Je vous prie de marier la fille de votre prédécesseur avec mon fils qui. » De cette manière, ces deux jeunes filles trouvèrent chacune un époux dans la famille de Yu Ling.